une ferme à grandes écuries, qui serait, comme toutes les fermes, sans un perron bourgeois, en belle pierre blanche, encadrée de deux grands rosiers. Maître Bermond, en bras de chemise, nous accueille et nous prie d'entrer. Il apporte des verres, du vin. Il appelle sa femme et sa fille, Bermond et Bermondette, s'excusant et les excusant, car notre visite les a surprises en train de cuire la fournée de la semaine, comme en témoigne l'appétissante odeur de pain chaud qui embaume toute la maison. « Alors, dit le peintre, nous allons goûter de la fougasse. Il n'y a rien de meilleur pour faire trouver le vin bon. » En effet, le temps de mettre la fougasse au four et aussi, je pense, de remplacer par le large brûlant